Chapitre 15e, le hangar. La terreur s'avança de son pas lourd de colosse, se dandinant sur ses énormes pieds, faisant rouler ses épaules massives. « Bonsoir, monsieur Broquet, dit-il. Nous sommes là, mon copain Laquiche chez moi. Ça va pour ce soir, si vous voulez. »« Ça va. Fais venir Laquiche. Il faut que nous parlions un peu avant l'affaire. »« Venez alors avec moi, nous allons le rejoindre. »« Non, mon garçon, tant que l'accord ne sera pas conclu entre nous, » je tiens à ne pas m'engager plus avant. Vous avez raison, je vais le chercher. » Paulin Broquet retint la terreur d'Ornano. « Toi, mon garçon, je te connais. Tu es un brave type, incapable de trahison, mais tu ne peux répondre de ton copain comme de toi. Tu ne sais pas s'il ne te fait pas jouer, sans que tu t'en doutes, un rôle contre moi. » La terreur s'indigna. « Non, monsieur Broquet, non, c'est pas possible. J'aurais bien vu tout de suite. Alors quoi, il me prendrait pour un idiot ? Puis me faire entrer dans une combinaison contre Paulin Broquet, ça m'accache. Monsieur Broquet, vous savez, la terreur d'Ornano n'a qu'une parole. Je suis à vous, ma peau vous appartient tant que vous en voudrez. Si jamais la quiche ou qui que ce soit, même Zigomar, ici, ce soir, veut vous faire un sale coup, tenez, monsieur Broquet, vous voyez ses pattes, c'est du bon. Eh bien, ses pattes les étranglent tous comme des poulets de grain. Je vous donne ma parole que la quiche y va de franc jeu, qu'on peut marcher sans crainte avec lui. « Je veux bien le croire. Mais il vaut mieux qu'il vienne ici. Va le chercher. Surtout, ne lui dis rien de tout cela. »« Bien sûr. »« Tenez, monsieur Broquet, je ne vais pas le chercher, je vais l'appeler. » La terreur d'Ornano siffla. Presque au même moment, la même modulation se fit entendre à quelques pas. Et l'on vit un homme sortir de l'ombre, puis lentement venir vers le groupe de Paulin Broquet. La quiche avait sur la tête une casquette qui lui entrait jusqu'aux oreilles. Il portait une blouse bleue commandant les garçons de bestiaux dans les parages des abattoirs de la Villette. D'un coup d'œil, Paulin Broquet comprit que cette blouse passée sur les habits les couvrait, les masquait. Cela constituait un déguisement facile et suffisant, une façon de cagoule de Zigomar sans la capuche. Cela ne contribua pas peu à affirmer la conviction de Paulin Broquet. En effet, le coup accompli, rien de plus facile que d'enlever la blouse et de paraître avec un nouveau costume, de passer méconnaissable parmi les Broquets aux aguets. Mais Paulin Broquet ne manifesta rien de ses sentiments. Il ne voulait pas éveiller chez la quiche le soupçon qu'il était découvert, brûlé selon le terme de la police. Sachant comment il faut parler aux gens dont la quiche tenait le rôle en ce moment, Paulin Broquet entra directement dans le sujet. « Alors, commença-t-il sans autre préambule, tu sais où le corps de la femme dont nous avons trouvé la tête ?»« Oui, monsieur Broquet, répondit la quiche. « Je sais où est la cave dans laquelle on l'a déposée. » Paulin Broquet remarqua que la quiche, pour lui parler, ne déguisait point sa voix. Donc cet homme ne se croyait pas connu du détective, à moins que par excès de présomption il pensât la chose inutile, se tenant pour certain dès maintenant de ne pas manquer l'ennemi. « C'est ce que m'a annoncé ton copain la terreur d'Ornano. Il t'a dit également que tu toucherais la prime dès que tu m'aurais mis en présence du corps. Oui, monsieur Broquet, j'ai l'argent sur moi. De plus, je me suis engagé à ne pas chercher à savoir comment tu étais au courant de cela, ni quelle part tu avais prise dans cette affaire. Une fois le corps trouvé, ton argent encaissé, bonsoir, je ne te connais plus. C'est entendu. Venez, c'est pas bien loin. » Paulin Broquet, tout en lui parlant, cherchait à voir la figure de cet individu. Cette fois, il était certain qu'il n'avait pas affaire au comte de la Guérinière, mais à un de ses lieutenants. Il voulait malgré tout connaître cet homme. Mais bien qu'il eût la vue perçante et que, comme les chats, il fût doué de la faculté d'y voir même dans l'obscurité, il n'arrivait pas à reconnaître son homme. La quiche ne voulait pas se montrer, et très habilement, entre sa casquette abaissée, le col de sa blouse levée, il parvenait à masquer sa figure, à la tenir sans cesse dans l'ombre. Paulin Broquet, en tirant plus fortement sur sa cigarette, essaya, à diverses reprises, comme sans y attacher de l'importance, à donner un peu de clarté, a envoyé un faible rayon sur cette figure qui se dérobait. Les deux hommes jouaient au plus fin en ce moment et se valaient comme habileté, comme ruse. Mais Paulin Broquet avait dressé ses hommes. Ils le complétaient admirablement. L'amorce, en allumant brusquement un tison pour sa cigarette, éclaira la figure de la quiche qui ne put éviter la clarté. Si court que dura la flamme du tison, si prompt qu'eût été le mouvement de tête de la quiche pour éviter ce rayonnement, ce fut suffisant pour Paulin Broquet. Il reconnut aux yeux, au regard surpris et furieux, un des aides, qui eut le même regard d'anxiété et de dépit quand lui, Paulin Broquet, survenant tout à coup, interrompit le travail de la bande de Zigomar autour du coffre-fort du baron Vancambre. Donc c'était bien un des principaux lieutenants de Zigomar à qui il avait affaire en ce moment. Paulin Broquet n'en manifesta aucun étonnement. « C'est bien entendu comme ça, » répéta-t-il sur un ton très calme. « Ça va comme nous avons dit avec ton copain la terreur. Ça va. Tu veux toucher la prime. Voilà tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. » « La terreur d'Ordano, réponde-moi. On est depuis assez longtemps copains pour qu'il vous assure que je ne suis pas homme à faire contre vous un sale coup, un coup de Zigomar. » « J'ai dit à M. Broquet, » affirma la terreur. « Et puis vous comprenez que je joue une grosse partie. En ce moment, je trahis un homme qui sait se venger. Par conséquent, j'ai besoin de prudence et de votre appui, pour plus tard, s'il venait à savoir. Mais quoi, j'ai besoin d'argent, là. Et alors ? Je sais. Bon, marchons, conduis-moi. » Silencieusement, le petit groupe se mit en route. La mort se plaça à droite de la quiche, de façon à paralyser son bras droit à la moindre tentative d'attaque, s'il sortait une arme. Derrière venait Paulin Broquet, entre son fidèle Gabriel et cette brute colossale et crédule qu'était la terreur d'Ornano. Les aides avaient bien choisi l'homme qui pouvait les mettre en rapport avec Paulin Broquet pour l'entraîner dans cette affaire, sur laquelle il fondait les plus grandes espérances. « C'est pas loin, » dit la quiche, « c'est dans le hangar qu'on voit là-bas. » « Je croyais que c'était dans une cave. » « Parfaitement, il y en a une où on ne descend jamais. » « C'est pour ça qu'on l'a choisi. » « Bon, bon, allons, nous te suivons. » Le hangar désigné ne présentait rien de particulier. Il ressemblait à tous ceux, très nombreux, qu'on voit sur les quais, servant d'entrepôts, de remises, où l'on abrite les matériaux à embarquer ou débarquer, en attendant leur livraison, leur expédition vers des destinations nouvelles. Pendant les quelques minutes que demanda ce trajet jusqu'au hangar, la quiche, à côté de la morse, marcha tranquillement, sans faire aucun mouvement suspect, sans dire un mot, gardant seulement les yeux à terre. « Faut tourner le hangar, » dit-il, « parce que si on entrait par devant, on serait peut-être vu. » « Il n'y a donc pas de gardien ?» demanda Paulin Broquet. « Si, seulement je le connais. J'ai dîné avec lui, je l'ai saoulé. » « Alors, on va être comme chez soi. C'est comme le soir où qu'on a apporté le corps. Le gardien était saoul. Il ne sait rien du tout du colis qu'on a garé chez lui. Ça va bien. » La quiche entraîna Paulin Broquet et ceux qui le suivaient dans une sorte de ruelle noire, glissante, pleine de boue et d'immondices qui séparait de hangars. Il les fit tourner brusquement et le derrière du hangar apparut dans une sorte de petite cour encombrée de brouettes, d'échelles, de pièces de bois, de divers objets qui, dans l'obscurité, se distinguaient très mal. Paulin Broquet, cependant, lui, put voir que tous ces objets, entassés, appuyés les uns contre les autres, semblaient n'avoir pas été remués récemment, et qu'entre eux, sous eux, il n'y avait pas de place pour qu'on pût se cacher suffisamment. « Donc, pensa Paulin Broquet, ce n'est pas là qu'est le danger. C'est bien dans le hangar. » La quiche n'avait pas eu besoin de prendre une clé pour ouvrir la porte du hangar. Il n'eut qu'à appuyer sur un loquet de fer, la porte s'ouvrit. Aussitôt, la mort se colla, pour ainsi dire, à la quiche qui allait entrer. De cette façon, il tenait son homme s'il essayait de fuir, de faire un bond. Il l'avait avec lui pour le cas où quelque traquenard se trouvait préparé. Et il l'entraînait avec ceux qu'il espérait jeter dans un piège, si tel était son but. Le mouvement de la mort n'échappa point à la quiche. Il comprit le stratagème. « C'est pas la peine de vous méfier de moi. Je vous répète qu'il n'y a rien à craindre. « Va toujours, » fit simplement la morse. « T'occupe pas, c'est par habitude. » À la suite de la quiche, la terreur, puis Paulin Broquet, et en dernier Gabriel, pénétrèrent dans le hangar qui, dans l'obscurité, donna l'impression d'être immense. Une seule lanterne grillagée, fanale de veilleur, éclairait, pendue à une poutre. Elle jetait dans un court rayon une lueur jaunâtre et triste, rendant plus sombre le reste. « Comme éclairage à Giorno, » fit remarquer Gabriel, « c'est plutôt maigre. » « C'est suffisant, » déclara Paulin Broquet. « On y voit assez pour que ce que nous avons à faire ici. Ne perdons pas de temps. »« Oui, » murmura douloureusement la terreur d'Ordano. « Oui, dépêchons-nous. Retrouvons le corps de cette malheureuse. Vite, vite. » Jusque-là, tant qu'on avait marché pour venir ici, tant qu'on avait débattu une dernière fois les conditions, arrêté les points de cette singulière entente, la terreur s'était contenue. Mais à présent qu'on approchait du but, qu'on allait revoir le corps de la femme qu'il pleurait, le pauvre diable tremblait, se laissait emporter par son émotion, son chagrin, céder à son amour douloureux. Paulin Broquet, de ses yeux perçants, examinait les lieux, cherchait à voir au-delà du court rayon de lueur blafarde que jetait le fanal grillagé. Il put voir que ce hangar était un vaste vaisseau qu'emplissaient des sacs bourrés et rangés par piles énormes, des barils qui s'étageaient en pyramide. Sacs et barils contenaient du ciment. Entre ces sacs et ces barils, prêts à être expédiés, les passages étroits couraient pour leur maniement, leur transbordement. Paulin Broquet examina la disposition de tout cela. Elle lui parut absolument normale et ne différant rien de celle qui existait dans tout autre entrepôt. Les sacs, les tonneaux, s'appliquaient aux parois du hangar que partageait une voie large au centre de laquelle aboutissaient les autres passages de transport. Donc, en s'avançant dans la voie du milieu du hangar, il devenait possible de vérifier les passages qui séparaient chaque tas de sacs, chaque amas de barils, et de s'assurer que derrière eux personne ne se tenait, rien de suspect ne se trouvait à l'abri. Paulin Broquet se demanda alors par où et comment les aides, si vraiment ils avaient machiné un coup, pourraient pénétrer ici, à courir quand le moment serait venu d'attaquer. Il pensait que si les aides n'étaient pas dans ce hangar et cachées déjà, mais vraiment il ne devinait pas où, forcément il devait se tenir à l'affût dans la cave où on voulait l'entraîner. Paulin Broquet se dit « Dans une cave, encore. Cependant Zigomar doit savoir qu'il n'est pas heureux avec moi quand il emploie la cave. À moins que précisément, hardi joueur, il ne veuille ici, dans ce sous-sol certainement aménagé et soigneusement préparé pour cela, prendre sa revanche de la barbotière. » En souriant, il ajouta par lui « Vraiment alors, Zigomar me croit beaucoup plus naïf et plus bête que je ne le suis. Enfin, nous verrons. » Une dernière hypothèse se présentait à son esprit. Le coup est regardé par les aides comme si certain, si sûr, qu'il s'imagine que seule la quiche suffit pour le faire réussir. Peut-être. Mais alors, pourquoi ce déploiement de force? Ces groupes de aides, qui se glissaient dans l'ombre aux environs de ce mystérieux quai de la Loire, et rayonnaient autour de ce tragique hangar. Sans doute en prévision des précautions que, les aides s'en doutaient tout de même, devaient prendre Paulin Broquet, s'engageant dans cette aventure. Peut-être en vue de la bataille avec l'équipe du détective qui le garderait pour le suprême combat des aides et des Broquets. Tout en faisant ses réflexions, Paulin Broquet ne perdait nullement son temps. Il prit la lanterne qu'il décrocha de la poutre où elle pendait au bout d'un fil de fer. « Ça ne te fait rien ? » dit-il d'un ton narquois à la quiche, « que je regarde un peu ce qui se passe dans ce hangar, que je me rende compte ?»« Si vous voulez, » répondit la quiche d'un ton parfaitement calme. « Ça m'est égal. Regardez, fouillez, vous ne trouverez que du ciment. » Tranquille, de l'air le plus rassuré du monde, la quiche s'appuya d'une épaule à la poutre, maintenant veuve de son fanal. L'amorce vint à côté de lui et s'appuya aussi d'une épaule à la poutre. Gabriel alla s'asseoir à deux pas sur un sac de ciment, à côté de la terreur, qui maintenant tout bas pleurait dans ses énormes mains. Paulin Broquet, tout d'abord, en promenant la lanterne, avisa non loin de là, dans un angle du hangar, une sorte de réduit vitré formant comme une pièce à part. Une porte fermait ce réduit. Dans un des côtés du vitrage, une petite croisée était percée, sur le carreau de laquelle on lisait ce mot « caisse ». C'était en effet le bureau dans lequel se tenaient les comptables et le caissier pendant le jour. La nuit, un lit pliant y était dressé, et le bureau devenait la chambre à coucher où le veilleur pouvait se réchauffer et se reposer. Muni de sa lanterne, Paulin Broquet vint à travers les vitres, d'ailleurs couvertes de poussière, essayer de jeter quelque clarté dans ce bureau, de voir si rien ne s'y trouvait qui fût susceptible de l'intéresser. Il aperçut les tables, les bureaux et entre les meubles sommaires, le lit pliant. Sur le lit se trouvait le veilleur de nuit. Le veilleur de nuit, qu'il distinguait très mal à cause de la poussière qui grisait et brouillait les carreaux, lui parut mériter un examen plus sérieux. « Faut voir mieux que ça. » se dit-il. Il n'eut qu'à pousser la porte, non fermée à clef, pour pénétrer dans le bureau. De sa place, la quiche suivait négligemment tous les mouvements de Paulin Broquet. « Il perd son temps, » murmura-t-il, et l'amorce, tout en s'appuyant du dos à lui, le sentit qui soulevait les épaules. Paulin Broquet vint donc auprès du lit pliant sur lequel il concentra la lueur du fanal. Comme le lui avait dit la quiche tout à l'heure, en effet, le veilleur de nuit semblait abominablement saoul. Le veilleur se trouvait non couché, mais comme tombé sur le lit. Il reposait sur le côté, les bras ballants, une jambe touchant encore le sol. C'était bien la chute d'un homme que l'ivresse et le sommeil ont abattu devant son lit, qui a pu machinalement arriver jusque-là et qui a été vaincu. Il dormait profondément, absolument. Paulin Broquet, qui avait étudié longuement les mille façons dont, suivant les circonstances, un homme peut dormir, qui connaissait surtout le sommeil des ivrognes, regardait celui-ci attentivement. Il dormait bien, mais il ne ronflait pas. Cela parut étonnant à Paulin Broquet. En effet, un ivrogne doit ronfler en dormant. Sous la puissance de l'ivresse, l'homme ivre éprouve une telle volupté de brute qu'il respire son contentement par la bouche. L'animal dominant l'homme en ce moment, il faut à l'ivrogne qui cuve son vin, qui brûle son alcool, beaucoup d'air pour sa respiration renforcée. Par le nez, il n'en pénétrerait pas suffisamment à la fois dans ses poumons dilatés, dans ses bronches surchauffées, ayant besoin de beaucoup de fraîcheur, d'air nouveau. C'est alors la bouche qui s'ouvre pour aspirer à grandes et larges lampées. Or, un dormeur qui respire par la bouche ronfle, c'est fatal, c'est exact, surtout quand ce dormeur est couché de travers, mal en équilibre, comme c'était le cas de ce veilleur ivre. Le ronflement provenant uniquement d'une mauvaise position du dormeur, d'une gêne dans la respiration. Donc, cet ivrogne, qui devait ronfler, ne ronflait pas. Pourquoi ? Paulin Broquet savait en outre que rien n'est plus difficile à imiter que le sommeil, rien d'aussi délicat à rendre que le ronflement. Celui qui fait semblant de dormir, qui ronfle exprès, ne peut tromper personne. Il en est de même du rire voulu et du rire naturel. Chacun sait combien grande est la différence entre les deux. Donc, Paulin Broquet, ayant reconnu que le veilleur de nuit, ivre au point qu'il semblait l'être, couché comme il le voyait et plongé dans ce lourd sommeil, devait forcément ronfler, et s'étonnant de ne pas entendre son ronflement, on conclut que cet homme ne dormait pas. Cet homme sans doute savait aussi bien que lui qu'il était impossible de tromper en ronflant une oreille exercée comme celle de Paulin Broquet. Il avait pris le seul parti qui lui resta, celui de ne pas ronfler. Mais il se trahissait tout aussi bien par son silence. Paulin Broquet s'arrêta à deux pas du dormeur. Il posa la lanterne sur un des bureaux, de façon à envoyer la lumière vers la figure de celui qui aurait dû ronfler. Puis, se doutant que de l'endroit où il se trouvait, la quiche appuyait la poutre, les pieds, suivait des yeux son manège, il fit le tour du petit bureau, semblant perquisitionner, visiter les coins, regarder sous les meubles. Ce faisant, il tourna dans la pièce et vint de l'autre côté du lit pliant. Alors, il trouva bien en face de lui, bien éclairé par la lanterne, le visage de l'ivrogne, et quoiqu'il le vit à demi caché sous son bras replié, il put le reconnaître. « Ah ah !» fit Paulin Broquet. « Je sais pourquoi cet homme ne ronfle pas. C'est parce que les grandes douleurs sont muettes. Ce veilleur ne se consolera jamais de la perte de Carmen d'Amata. Ce veilleur ivre-mort, c'est Gaston Soclet. » Paulin Broquet étudia plus attentivement le dormeur, et à son grand étonnement, il comprit que Gaston Soclet ne feignait pas de dormir. Il dormait réellement, profondément, d'un bon et vrai sommeil. Paulin Broquet se pencha un peu sur sa figure. Le rythme de la respiration était fébrile, coupé. Il donnait par moments l'impression de sanglots. De plus, les yeux bien clos cependant du dormeur, sous les paupières, de grosses larmes perlaient nettement. « Pauvre garçon, » fit Paulin Broquet, « il rêve d'elle. » Le détective comprit alors que cet amoureux par la douleur trop amolie, dont le cœur fondait, ne pouvait plus plaire à Zigomar, qu'on voulait sans doute se débarrasser de lui, de ce comparse désormais inutilisable, gênant, d'un complice peut-être dangereux. Alors Zigomar, qui savait si bien plonger les gens dans un sommeil profond, avait endormi ce malheureux, l'avait fait porter ici. Il en faisait une victime prochaine qui fatalement allait périr au cours de la bataille prévue avec Paulin Broquet. Et cet amoureux inconsolable, ne se doutant de rien, ne sachant pas vraiment où on l'avait conduit, quel sort lui était destiné, quand la mort l'attendait, poursuivait son rêve d'amour et pleurait la morte bien-aimée.